Donc bonjour à toutes et à tous. On va commencer debout éducation populaire. Donc on va avoir trois interventions aujourd'hui et après la boîte à questions. On va commencer avec Sylvain qui vient nous parler de militer dans une banque. Et, non, je sais pas, je pense que ça va être fort, mais peut-être pas. Bon, non mais bon, laisse tomber. Donc je vous rappelle le format, comme d'habitude, il aura une vingtaine de minutes pour présenter son thème, après quoi il y aura environ 40 minutes de débat. Dans tous les cas, vous êtes les bienvenus pour participer, pour poser des questions et pour intervenir si vous le souhaitez. Donc nous, on est là pour vous inscrire pour des prochaines interventions, au contraire, n'hésitez pas. Et dans tous les cas, vous êtes tous et toutes les bienvenus pour prendre la parole pendant le débat, donc après les 20 minutes de présentation. Voilà, donc Sylvain, je te laisse la parole. Je reste debout, je m'assois. Alors, oula. Ouais, c'est fort. C'est pas grave. Donc je suis là aujourd'hui en fait pour vous faire partager mon expérience de 7 ans de militantisme dans une banque. Alors militantisme et banque, ça fait un petit peu peur. C'est des mots qui vont pas trop ensemble, mais en fait je vais vous prouver que c'est possible et qu'en fait il y a plein de choses qui sont possibles. Et j'ai beaucoup de liens et de parallèles en fait avec ce qui s'est passé à Nuit Debout. Donc voilà, je vais vous faire profiter un petit peu de cette expérience là. Je vais déjà vous expliquer comment j'ai atterri dans le militantisme dans la banque, parce que c'est assez important. Et puis ça vous permettra d'avoir des idées de ce qui s'y passe. Donc il y a 7 ans en fait on a fait une grève de 1 mois, une grève minoritaire, on était 30% des salariés à la faire, une grève qui a été passée sous silence au niveau des médias, parce que la problématique c'est que les Parisiens ils aiment bien acheter nos encarts publicitaires, mais quand il y a des banquiers qui font grève, bah en fait ça fait pas bonne presse. On a réussi à tenir, on a fait des manifestations, on a fait des jolies choses, c'est-à-dire qu'on a réussi à, comment dire, avec des balais, des coussins en fait, à faire les couilles de notre DRH pour lui dire de négocier avec nous, donc c'était assez rigolo. Et tout ça c'est des banquiers qui l'ont fait en fait, c'est des employés de banque plus exactement, parce qu'il y a vraiment la différence entre les deux, c'est-à-dire qu'il y a au-dessus et il y a les gens qui sont sur le terrain et qui sont en dessous, et ça on en parle peu, et donc moi je représente ces gens-là. Donc cette grève on a réussi à la gagner, on a même... Qu'est-ce qu'on a fait d'autre comme connerie? Ah ouais, on a mis nos dirigeants dans une salle pendant toute une journée. Ils nous ont accusés de les avoir séquestrés. Ils nous ont fait un procès. Ils ont perdu ce procès-là parce qu'en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait une sortie de secours. Et donc, nos dirigeants séquestrés, vous pouvez partir à tout moment. Donc, on a eu gain de cause. Deux collègues ont eu une peine d'amende avec sursis quand même. Donc voilà, ça aussi des banquiers peuvent retenir des RH dans des salles, c'est assez rigolo. Et un petit peu comme à Nuit Debout, en fait, c'est les salariés ont pris en main le mouvement, c'est-à-dire que les représentants du personnel ont été vite débordés. On faisait des assemblées générales tous les matins, et au départ c'était des revendications un peu plus salariales, et il y avait un plan social dans l'entreprise, et finalement c'est devenu un truc assez important, et on s'est relayé, on n'était pas tous en même temps à faire la grève. On a fait des manifestations sauvages aussi, voilà quelque chose qu'on connaît un petit peu à Nuit Debout également. On était à 20 sur un passage piéton rue du Louvre, je sais pas si vous voyez où c'est, donc on était inconscient à l'époque. Le préfet de Paris a pété un plomb, il a appelé notre direction en lui disant faut que vous trouviez une issue au conflit, parce qu'on en a marre que vous bloquiez la rue du Louvre tous les jours. Donc voilà, des banquiers qui bloquent la rue du Louvre à 30 personnes, c'était quelque chose que je voulais aussi vous faire partager, parce que je sais pas si ça se reverra d'ici peu. Donc suite à cette grève d'un mois qu'on a gagné quand même, hein, faut le dire, on a gagné. Alors moi j'ai pas revu un vrai salaire pendant 6 mois, mais on a réussi à la gagner cette conne de grève. On a réussi à fermer des agences aussi. C'est une particularité au niveau de l'entreprise pour laquelle je travaille, c'est qu'en fait on a réussi à fédérer quelques cadres. Et ça aussi pour nous c'est une petite victoire, parce qu'en fait ils sont dans le même bateau que nous. Et contrairement à nos petits collègues du rail, par exemple, qui n'arrivent pas à s'étendre, nous, on a réussi partiellement, mais c'est très très dur. Donc grâce à ça, en fait, j'ai un petit peu comme debout, hein, j'ai rencontré des gens dans le on va dire, le combat, je me reconnaissais là-dedans et je me suis rendu compte qu'en fait, au lieu d'être tout seul à critiquer mon monde de mon côté, en fait, c'était plus intéressant de le faire tous ensemble et qu'on était plus forts tous ensemble, en fait. Donc j'ai retrouvé des gens qui gueulaient comme moi. Je connaissais pas le syndicat, je connaissais rien, j'avais pas de culture militante et en fait, je suis arrivé comme ça un peu à l'arrache. Et bah, ça fait 7 ans que ça continue, donc j'en suis plutôt bien content. Donc ce qui se passe dans une banque, il y a énormément de souffrance en fait. On a une espèce de mini-société, c'est-à-dire tous les mots MAUX de la société qu'on peut voir et qu'on subit en fait dans les banques, on l'a aussi. On l'a de deux façons. On l'a parce qu'on a les clients en face de nous, on a les problématiques, on a de la détresse, on a plein de choses. Parce que moi je suis dans toute l'Île-de-France, donc je suis aussi bien dans les quartiers de Saint-Denis que Rebais dans le 77, que dans le 78, donc des problématiques très différentes, un petit peu à droite, à Paris aussi, on est présent bien évidemment. Et ça, bah, c'est très très enrichissant, ça nous fait pas mal d'histoires à écouter, à entendre. Et puis les gens, malheureusement, face à l'argent, en fait, on peut pas se cacher. Donc c'est assez cash et assez direct. Donc on a cette problématique-là, et puis on a la problématique aussi d'en haut. Parce qu'aujourd'hui, on est comme dans beaucoup d'entreprises, et ça, pas beaucoup de gens en parlent. C'est-à-dire qu'on est en train de détruire le travail qu'on fait. Nous, les termes pression, harcèlement, infantilisation, démotivation, c'est des choses qui sont quotidiennes chez nous. On est un secteur où il y a le plus d'arrêts maladie et d'accidents de travail en France, alors que c'est pas forcément des métiers physiques. Et en fait, tout se joue dans la tête. On parlait de risques psychosociaux. Grâce à notre superbe gouvernement, maintenant on parle de qualité de vie au travail, parce que risques psychosociaux c'était trop négatif. Mais c'est pourtant ça que nous on a en fait à combattre tous les jours. Alors comment combattre ça? En fait c'est un petit peu difficile parce qu'on est 15, on doit parcourir toute l'Île-de-France. Donc on prend notre bâton de berger, enfin surtout notre carte Navigo hein, pour tout dire, et on va sur le terrain. C'est notre force, c'est le terrain, c'est aller voir les gens, c'est travailler dans les agences, même si t'es militant. Parce que militer dans une banque, c'est un choix. Ça veut dire que la carrière, elle est finie, que le salaire, il augmentera pas. Mais en fait, si on le fait, c'est pour nos valeurs qu'on a envie de défendre. Et pour une boîte à laquelle on croyait quand on est entré dedans et que maintenant, on n'y croit plus vraiment. Mais on combat, en fait, contre ces discours qui disent si t'es pas content tu te casses, et moi je suis pas d'accord. Moi je suis plutôt pour dire tu restes et tu résistes en fait, parce que si tu te casses tu vas retrouver les mêmes conditions ailleurs, et en fait c'est une espèce de fuite en avant. Y a un système qui est au-dessus qui est gros hein, je vous le cache pas hein. Nous on est face à des gens qui n'en ont rien à foutre, qui nous parle juridique, nous on parle terrain, on parle humain, et ils nous parlent juridique et plan stratégique. Donc c'est un petit peu compliqué, mais on lâche pas. Donc ce réseau, c'est un peu comme une nuit debout, il s'est créé, il continue à se créer. Nous on le fait vivre tous les jours par des mails, par notre présence. Et en fait, c'est les gens qu'on rencontre qui deviennent acteurs en fait de notre militantisme. Et je peux vous dire que ces gens-là, quand on leur dit je suis militant, je suis représentant du personnel, au début c'est un peu, ils ont un peu peur, et puis finalement ils se rendent compte que on est comme eux, on a les mêmes galères qu'eux, et ils arrivent à sourire d'une certaine manière, mais c'est très très compliqué. Parce que ce qui est compliqué, c'est de faire prendre du recul, et 20 minutes de recul, c'est déjà énorme pour nos collègues qui sont toute la journée dans le taf, dans la pression. Et ils se rendent pas compte en fait. Ils se rendent pas compte du système dans lequel ils sont, des barrières qui repoussent petit à petit, et surtout de l'état de santé dans lequel ça le met. Voilà, nous on a des collègues, burn-out, ça existe. Hein. Je crois que le Sénat, il n'y a pas longtemps, a déclassifié le burn-out dans le monde du travail. C'est encore une belle idée, mais chez nous, je peux vous dire que ça existe. Comment on milite? Donc, à part aller sur le terrain, c'est on communique. C'est quelque chose que j'ai dit moi il y a 7 ans quand je suis arrivé. C'est aujourd'hui la communication, malheureusement, elle est incontournable et on est obligé d'y passer par là. On a un petit peu secoué ce que j'appelle gentiment les 68 sur le tard, les anciens. On leur a dit voilà, faut faire un petit peu quelque chose. On s'est posé des questions. Pendant notre grève d'un mois, on avait fait un mur Facebook et on a eu l'honneur d'être enterré par Facebook. C'est-à-dire qu'ils nous ont clôturé le truc sous prétexte qu'en fait, nous n'étions pas une personne. Donc c'était le groupe s'appelait Les Écureuils en colère. Donc je crois que Nuit Debout n'est pas une personne, mais Nuit Debout a son Facebook. Donc c'est cool, Nuit Debout, nous, ils nous l'ont tué. Et finalement, on s'est rendu compte que c'était très dangereux Facebook chez nous. Parce que ça mettait entre guillemets en danger les collègues. On a eu des collègues qui se sont fait licencier parce qu'ils avaient écrit des choses sur Facebook. Donc on l'a, mais c'est plus pour la forme. Il doit y avoir 50 gens qui sont dessus. Bah, c'est plus pour dire voilà, on est un peu jeune, on va dire, et on a un Facebook. Donc ça, on l'a un peu mis de côté. On parlait d'applications. Mais voilà, c'est très compliqué aussi parce que nos collègues, quand ils rentrent chez eux, et ils n'ont pas forcément envie de se reprendre du boulot ou entre guillemets, ils veulent vraiment couper. Donc on s'est vraiment pris la tête, hein. On a essayé de faire des choses, on a eu des débats, 100 fois les mêmes débats qui tournaient en rond. Et finalement, en fait, ce qui reste, c'est le terrain, c'est le contact humain et c'est effectivement les tracts qu'on peut faire où on met un peu d'humour et un peu de détachement. Je pense que c'est important. De faire passer des messages d'une certaine façon. Et on a également fait quelque chose qui est assez intéressant en fait. On a fait une plaquette qui explique la banque d'aujourd'hui et la banque que nous en fait on souhaite. Alors la première réaction c'est on nous a dit mais pourquoi vous critiquez en gros les mecs qui vous payent ? Ah bah ouais, ça c'est une très bonne question. Mais déjà, les mecs qui nous payent, c'est déjà notre travail qui les paye. En fait, c'est dans l'autre sens qu'il faut prendre le problème. C'est que sans nous et sans vous, les gens quoi, qui mettent leur argent dans les banques, bah eux, ils sont rien en fait. Donc, on peut les critiquer. Et on le fait et on se cache pas. Et aujourd'hui, je suis là, je suis l'un des rares à parler à visage découvert, je peux vous le dire. Et on le fait. Alors cette plaquette, elle a été, pour vous le dire, elle a été très bien accueillie dans beaucoup de secteurs, beaucoup moins bien dans le nôtre, bizarrement. Mais on a fait passer des messages. Et en fait, on se rend compte que dans beaucoup d'entreprises, les salariés, là je vous parle vraiment des grosses entreprises, hein, type Renault, etc., en gros savent qu'ils font de la merde, savent qu'on est en train de détruire leur travail, mais il y a une espèce de résignation. Et cette résignation, je ne vous cache pas qu'elle est dure à combattre. Et aujourd'hui, il y a quelques semaines, j'ai fait une formation avec plein de collègues de différents secteurs et on n'a toujours pas trouvé la réponse à cette question. Moi, ce que je trouve, ce qui est important, c'est de créer ces collectifs. Nous, une agence bancaire, c'est une petite famille. Moi, j'appelle ça un collectif de travail. Et dans cette famille, il y a des humains. Il y a des personnes complètement différentes. Quand on leur dit quelque chose, bah, y en a une qui va bien le prendre, une autre qui va mal le prendre. Et aujourd'hui, c'est ce qui a du mal à comprendre notre direction. C'est-à-dire que bah, dans une agence, c'est pas il y a cas, il faut con ou il faut faire. C'est il faut faire en fonction des personnes, en fonction des mains des personnes et surtout en fonction des clients. La plupart des clichés que vous avez sur les banques, ils sont vrais. Des fois c'est un petit peu abusé, mais ce que vous voyez dans les documentaires, à la télé, à la radio, c'est vrai. Aujourd'hui on nous demande de faire ce que nous on appelle du one shot, c'est-à-dire de la vente à la journée. En gros, je vous explique, vous venez parce que vous avez un problème sur votre compte, vous n'avez rien demandé et on va absolument essayer de vous vendre une assurance. Parce que le matin, au briefing, à la réunion, on a dit qu'il faut vendre de l'assurance. Et quand je vous dis qu'on est en train de tuer notre travail, c'est ça. C'est-à-dire que nous, la relation avec les gens, avec les clients, la relation de confiance qu'on essaye de vous vendre dans les pubs, mais c'est que de la communication, c'est ça notre vrai travail. Et aujourd'hui, on ne demande que du court terme, que du moyen terme. Court terme, moyen terme, en gros, c'est de la vente, c'est de la vente, c'est de la vente. Et ça va pas dans le bon sens. Comment les clients peuvent avoir, et les gens peuvent avoir confiance dans leurs conseillers si on leur fout des produits qu'ils n'ont pas besoin. Et ça, on a oublié cette vérité et le pourquoi de notre métier et le pourquoi beaucoup de gens deviennent conseillers financiers. À la base, c'est pour accompagner les clients dans leurs projets. Malheureusement, comme dans beaucoup d'endroits, le fruit de votre travail, il repart au-dessus, il est soit coté en bourse, soit donné à des filiales ou des filières chez nous qui s'appellent Natixis, qui ont pété en morceaux et qui ont fait partie de la crise qu'il y a eu quelques années. Donc il y a eu un petit sursaut, hein, les banques se sont réveillées, elles se sont dit « Oula, attention, on a une mauvaise image, etc. » avec ce qui s'est passé aux États-Unis. En France, on est également dans le même panier, je mettrais tout le monde un petit peu dans le même panier. Et nos dirigeants, même s'ils ont levé le pied un petit peu, en fait, c'est reparti de plus belle. Quand vous voyez le 440, ce que ça a donné là, et ce que ça va donner, on n'a rien retenu quasiment des leçons de ce qui s'est passé il y a encore quelques années. Et ça, c'est très très inquiétant. Donc voilà, nous, comment on milite, c'est dire aux gens des vérités qui fâchent, leur dire combien gagne notre patron. Ça, c'est un truc qu'on essaye de faire. Alors par exemple, moi là, j'ai vu mon patron, il a gagné 29 ans de mon salaire annuel cette année. Donc je suis content, j'ai 32 ans, donc plus 29, ça m'aurait permis d'aller à la retraite. Donc mon patron gagne quasiment ma retraite en un an. Donc ça, c'est cool. Honnêtement, je sais pas trop ce qu'il fait. Nous, on rame dans nos agences. Parce qu'il y a également quelque chose qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on a affaire à des problématiques de sous-effectifs. Quand vous demandez, vous posez une question à un conseiller financier et qu'il vous répond pas, c'est parce que le mec, il est débordé tout simplement, parce que la plupart du temps, il fait le boulot de une, voire deux, voire dans certains cas, trois personnes. Et c'est très compliqué. Quand on entend dans des publicités « vous êtes utile », ouais, je veux bien être utile aux gens, mais au bout d'un moment, je suis pas Harry Potter, je suis pas magicien, et je suis pas encore au niveau du clonage, on n'est pas encore au point en France. Et ça, c'est une grosse problématique aussi, c'est comme dans beaucoup d'entreprises, en fait, on met pas de moyens. Et c'est un cercle vicieux, parce que pas de moyens, forcément, le taf qu'on fait, il est moins présent, enfin on peut pas être là pour tout le monde, et après ça crée nous ce qu'on appelle des incivilités, donc des clients pas contents, qui viennent à l'accueil, qui viennent gueuler, et c'est le cercle vertueux, c'est le collègue qui est à l'accueil, qui se prend tout dans la gueule. Et des fois franchement, je vous le dis très honnêtement, c'est compliqué, parce que des fois les gens ce qu'ils nous disent, c'est la vérité, et quand t'es en face de quelqu'un qui te dit la vérité, et que tu représentes un établissement bancaire, c'est un petit peu compliqué, parce que tu peux pas tout cautionner en fait, tout simplement. Mais c'est des gens comme vous. Une autre façon qu'on a eu de militer, c'est une façon un petit peu différente. Là où je travaille, en fait, notre comité d'entreprise, que le syndicat dont je fais partie, est le premier de la boîte. D'ailleurs, c'est assez rigolo, parce que c'est plutôt un syndicat à gauche, voire à l'extrême gauche. Donc on est un petit peu un village d'Astérix. Ce comité d'entreprise, il a un centre culturel qui s'appelle le centre culturel La Clé à Paris, que certains, je pense, connaissent, et personne ne sait en fait que ça appartient à un comité d'entreprise d'une banque française et de la plus grande banque régionale. Et notre deuxième façon de militer, en fait, c'est que pendant très longtemps, en fait, on a organisé des soirées dans ce centre culturel. Et notre défi, en fait, c'était de venir faire venir des banquiers, entre guillemets, à des soirées sur des sujets d'actualité, sur des sujets complètement différents. On a fait venir des gens de Syriza et de Podemos. Alors notre DRH nous a taxé de promouvoir des partis d'extrême gauche. Il nous a envoyé une belle lettre, on était contents. Mais on l'a fait quand même. On a fait des soirées sur le Conseil National de la Résistance. Pourquoi le Conseil National de la Résistance? Parce que à l'époque, on parlait de sociabilisation des banques. Et là, c'est une de nos grandes revendications. C'est-à-dire que nous, on est pour que les banques servent à ce qu'elles devaient servir au départ, c'est-à-dire à financer la transition écologique, à financer les maisons ou les appartements pour les gens qui n'ont pas de loyer, qui n'ont pas d'habitation, ce qui devrait être, tout le monde devrait avoir un toit, pour financer des projets, pour financer le développement durable, plein de choses comme ça, et pas pour financer des actionnaires. Et c'est un petit peu utopiste comme on dit ça, mais c'est, on y croit vraiment. Ça fait 7 ans qu'on se bat pour. Alors les échos, je vous cache pas que c'est un petit peu compliqué au-dessus. De temps en temps, on leur dit bon bah ça serait sympa si vous limitiez vos salaires et vos primes au minimum de salaire annuel d'un jeune dans ma société. Alors ils nous regardent avec des grands yeux, mais c'est pas pour ça qu'ils appliquent ce qu'on leur dit, bien évidemment. Donc on a essayé d'éveiller un petit peu les consciences en faisant des soirées aussi musicales, que ça soit sur le thème du hip-hop. Voilà, une soirée hip-hop faite par des banquiers, bah ouais, ça existe. L'Île-de-France, cette musique, elle est présente, ça fait partie de notre histoire et notre patrimoine. On a fait des soirées reggae aussi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a fait venir un groupe qui s'appelait 100 grammes de tête. Et les 100 grammes de tête, donc on fait des communications, donc à 5000 collègues dans une banque, en fait, ils ont tous reçu une note avec un groupe qui s'appelait 100 grammes de tête, donc c'était assez rigolo de faire ça. Je suis pas sûr que notre direction ait compris ce que ça voulait dire vraiment, mais on a fait venir des gens avec de la bouffe italienne, etc., etc. Et en fait, dans ces soirées, ça nous a permis de montrer qu'il y avait d'autres valeurs, parce que dans la banque, comme dans beaucoup d'endroits, en fait, on individualise le travail. Et ça, c'est quelque chose contre lequel on se bat aussi. C'est-à-dire qu'on a des collègues qui sont dans deux bureaux collés, mais qui, au lieu de se parler, s'envoient des links ou s'envoient des mails. On a des directeurs qui, au lieu d'aller voir le collègue à trois portes de bureau plus loin, ils envoient des mails avec des rouges et des smileys dans tous les sens. Et pour nous, ça, c'est des mots MAUX, encore une fois, qu'on retrouve dans cette société aussi. Et on a essayé avec ces soirées de recréer du collectif. La dernière chose que je voulais vous parler aussi, et c'est une grosse problématique qu'on va avoir, c'est qu'actuellement dans notre entreprise, comme dans beaucoup en fait, on a un management. Donc c'est-à-dire un management, c'est entre guillemets du coaching de collègues par la peur. C'est-à-dire qu'on fait peur aux gens, on leur dit si vous faites pas ça, on va fermer des agences. Voilà, nous c'est pas des usines. Comme je dis souvent en fait, avant on opposait les cols blancs et les cols bleus. Aujourd'hui, les conseillers financiers, c'est devenu des ouvriers. C'est-à-dire qu'on nous demande de plus réfléchir. On nous demande d'appuyer sur des boutons avec des logiciels faits par des gens super pensants qui vous sortent des propositions toutes faites. Et c'est ce qu'ils veulent, ce qu'on devienne, c'est-à-dire des espèces de secrétaires, avec tout le respect que j'ai pour les secrétaires, et qu'on perde complètement notre conseil, notre écoute. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu partout. Et il y a aussi un grand combat, c'est la digitalisation du monde du travail. Je me rappelle en début de Nuit Debout, je crois qu'on avait soutenu des gens des salariés de McDonald's. Nous on a les mêmes problèmes, c'est-à-dire que moi mon métier bientôt il va être remplacé par une tablette et ça va être un petit peu compliqué. Alors je sais pas ce que je vais faire, je vais peut-être me recycler en technicien tablette, même si c'est pas ma formation. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les établissements financiers, en fait, depuis fort longtemps, ont imposé leur modèle. Je sais pas si vous vous rappelez, à une époque, pour les plus anciens, il y avait de l'argent à l'accueil. On faisait la queue, des fois beaucoup, et puis on retirait notre argent à la banque. Puis du jour au lendemain, on vous a dit, vous allez au distributeur. Vous allez prendre une carte bleue que vous allez payer avec un forfait, une assurance. Comme ça, on se fait un petit peu de sous-sous. Et puis, vous allez voir la machine. Ok. Aujourd'hui, maintenant, le discours, c'est il n'y a plus personne dans les agences. Pourquoi il n'y a plus personne dans les agences? Parce qu'on a dit aux gens de faire et de se débrouiller par eux-mêmes. Donc, maintenant, on nous dit il n'y a plus personne dans les agences. Donc, on va mettre moins de personnes dans les agences. Et puis, on va mettre des tablettes parce que le monde moderne, il est là. Alors, il faut être moderne. Et donc, il faut mettre des tablettes. Il n'y a pas longtemps, on a même fait un service en fait qui vous permet de retirer de l'argent au distributeur sans passer par l'accueil avec un code que vous recevez par SMS. Donc ça, je vous invite bien évidemment à pas le faire, parce que ça détruit encore du travail pour le collègue qui est à l'accueil, pour le jeune qui commence dans la vie. Et c'est vraiment pas facile. Et ça, c'est un combat, on commence à peine à en parler en France. Mais aujourd'hui, alors qu'il y a X millions de chômeurs, moi je vois pas comment on va pouvoir trouver du travail à des gens si on fait du digital partout. À l'époque, on l'a vu avec les caissières dans les supermarchés, avec les caisses automatiques. Maintenant, il y en a à peu près partout. Chez nous, ça a déjà commencé. Donc ça aussi, Voilà, le gros dilemme qu'on va avoir, c'est que entre ce qu'on veut faire et les valeurs qu'on veut passer, et la transformation que va avoir ce milieu, bah, ça va être compliqué parce que bientôt on va être obligé de défendre de l'emploi. Et défendre de l'emploi, c'est pas évident. Et quand on défend de l'emploi, on est dans une situation où les gens savent que dans nous, ça va être dans 2 ans à peu près, parce que j'ai une société qui va fêter ses 200 ans. Donc c'est quand même assez lourd comme histoire. Et je pense qu'après les 200 ans, bah, va y avoir effectivement du licenciement, va y avoir de la perte d'emploi. Et ça se fera au détriment déjà des salariés et au détriment de la clientèle. Donc c'est voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit ce que je voulais dire, mais je vous en ai déjà dit beaucoup. Et la seule chose, c'est que tout ce que je vous dis là, si vous pouvez le dire autour de vous, bah, n'hésitez pas. Voilà, il y a effectivement, comme j'ai dit, il y a des banquiers en lutte, entre guillemets, même si c'est pas évident. Il y a des banquiers debout et il se passe des choses dans ces milieux-là. Et il ne faut pas confondre ceux qui sont au-dessus et où il y a de l'abus et ceux qui sont sur le terrain et qui, franchement, certains galèrent. Alors, il y en a qui font de la merde, hein, ça on est d'accord, mais il y en a d'autres qui galèrent et qui aimeraient faire leur métier vraiment de meilleure façon et avoir des meilleures relations avec les clients. Voilà. Merci. Donc maintenant, on va passer au débat. Une première question. Bon bah Sylvain, moi je vais te poser une question qui est très simple parce que tu parles au niveau du sujet des immeubles qui sont vacants, des appartements vacants. Est-ce que tu connais entre guillemets au pourcentage ou même au niveau du tiers payant combien de sur la région parisienne, en comptant Paris même, combien il y a de pourcentage d'immeubles et d'appartements vacants ou qui ont été rachetés par nos chers banquiers qui sont devenus capitalistes? Très concrètement, j'ai pas de chiffres, Seb, à te donner. La seule chose que je peux te dire, c'est à la base, le livret A, qui est un livret d'épargne, est censé financer le logement social en France. Et en fait, on s'aperçoit que ben, c'est pas ça. Et en fait, il y a qu'une petite partie en fait des comment dire des intérêts, etc., qui servent à financer le logement social. Et la problématique qu'on a, si tu veux aller vers le logement, c'est qu'aujourd'hui, je crois que le livret, il est à 0,5. Donc ça rapporte que dalle. Donc les gens ne déposent plus sur les livrets. Et donc du coup, c'est aussi une problématique. Voilà. Alors moi, par rapport au logement vacant, au niveau du pourcentage, du moins je ne vais pas te parler en pourcentage, mais en équation, il se passe que tu as 1,5 tiers de la population française au niveau des logements vacants, c'est à peu près 30 à 40% de logements vacants qui sont rachetés directement par les banques et que derrière, ces banques sont tellement bien payées par nos actionnaires qui sont en train de se branler les couilles aux Bahamas ou je ne sais où, et que tout simplement derrière, oui, les banquiers, s'ils se mettent en grève, on pourrait un petit peu jouer sur une note de réflexion au niveau du chômage qui augmente depuis le début de M. Hollande, ou déjà il augmente depuis le début de Mitterrand. Où c'est Mitterrand qui a commencé financièrement à foutre sa merde. Et quand on voit que M. Hollande s'est permis de dire au début de son cinquennat, de dire oui, vous inquiétez pas, chère Française, chers Français, on va travailler sur le chômage. Mais à ce temps-ci, c'est quand même 25% de la population française qui se retrouve au chômage et qui se retrouve complètement en précarité totale. Alors, au niveau logement, quand une personne touche le chômage ou le RSA, ça dépend pour certaines personnes. Il faut savoir que les logements sociaux, ce qu'on appelle les cages à poules, sont très très longs à attendre. À part si, bien sûr, tu as une femme et un enfant. Si tu es célibataire, que tu n'as pas d'enfant à ta charge et que tu n'as personne, le logement social, tu vas passer en dernier parce qu'en priorité, ils font passer les familles. Voilà pourquoi la France a créé, suite à l'association du droit au logement, le droit au logement opposable, qui a été créé par les mairies. Au niveau aussi, par rapport au temps de travail, par rapport à tout ça, Les banquiers, oui, ils ont un boulot très, très, très dur, comme les professeurs, comme beaucoup de personnes qui sont dans le contact de l'être humain, où moi j'en ai connu, où j'ai aussi fait le client en même temps, un petit peu acharné. Et je peux dire qu'au niveau des banquiers, pour qu'ils se mettent en grève, ils peuvent le faire. Mais sauf que, vu que derrière, les banques doivent fonctionner, parce que, comme par hasard, on a quand même attendu 3 semaines avant la Société Générale de remise après la casse, faut savoir que les banques sont importantes pour le peuple. Mais derrière, si nous, derrière, on arrive à s'occuper d'un... comme dans n'importe quel pays, et de se considérer indigné comme en Espagne, en Italie ou au Portugal, ou même révolté complètement dans les pays de l'Est, ainsi que dans les pays autres comme la Turquie et tout ça, qui ont fait un coup d'État, ou même dans les pays allemands, dans les villes d'Allemagne, où même les Allemands se sont permis durant une manifestation à pouvoir faire chier complètement et faire intervenir l'armée. Nous, chez nous, on est en train de dormir. Chez nous, en fait, il se passe qu'en France, le problème, c'est si on arrive à réunir les 66 millions de Français qu'on est, là, on pourra déclarer une révolution complète. Sauf que quand tu poses des questions à des Français qui sont que tu rencontres, tu rencontres des gens sur la loi, tu leur poses la question sur la loi de travail, sur le droit à la réquisition, le droit au logement. Et les gens, ils te regardent, ils te font « bon, bah, excuse-moi, mais suite à ce que j'ai vu aux médias sur TF1, France 2, France 3 ou n'importe quelle chaîne, il s'est passé que tout simplement, les gens, ils ont tellement peur par rapport à ce qu'ils ont vu, la casse de Gosport, le feu sur la place de la République, les violences d'êtres humains, les violences entre copains, suite à tout simplement à un problème d'état d'ivresse, ou même une embrouille quelconque, on va dire que le Français en lui-même, il n'est pas comme ça. Lui, ce qu'il veut, ce que je vois envers les gens que je peux rencontrer, je vois que tout simplement le Français, il attend qu'on puisse, au lieu de discuter, de pouvoir représenter nuit debout, en étant dans le système d'un mouvement pacifiste, mais un système de mouvement qui s'accorde à ne plus respecter les lois et les règles du gouvernement ou du préfet de Paris, ou même de tous les autres préfets, et tout simplement de pouvoir s'organiser entre nous, de pouvoir prendre des contacts de Facebook, Twitter, n'importe qui, et à la fin du compte, oui, et à la fin du compte, de pouvoir rajouter du monde sur République et de pouvoir faire venir des choses plus importantes que l'on croit. Alors, les choses importantes, c'est... On parle de loi sur Nuit Debout, moi j'ai remarqué, on parlait beaucoup de la loi El Khomri, loi du travail. Oui, mais la banque c'est le travail aussi, parce que la banque c'est l'argent. L'argent, si tu travailles à la fin du mois, tu vas aller à la banque, tu vas aller voir ton banquier ou tu vas aller à ton guichet avec ta carte bleue ou ton livret A et tu vas te dire, bon bah allez, j'ai retiré tant pour pouvoir payer mes factures pour ceci, pour cela. Moi je vais te dire... La loi du travail comme elle est, si elle est passée sous un titre de 49.3 repoussé suite après l'euro, qui a été redonné, on a réussi à enlever le premier 49.3 qui s'est passé avant l'euro, et comme par hasard, on récupère un nouveau 49.3 suite après l'euro. Alors, excuse-moi, pour moi Sylvain, et pour tout le monde, moi, si je dis qu'on prend 2,49,3 dans le cul, en parlant poliment, tout en sachant que ça a été quand même décalé pendant un mois, il y a peut-être un souci par rapport à tout simplement que on a pas assez travaillé dans le sens que de pouvoir créer un système de censure sur toutes les lois qui ont été créées depuis... depuis des siècles, hein, et que qu'ils ont été changés, qu'ils sont en train d'être reformulés différemment, et que il y a quelques années, on travaillait pour 42 heures, maintenant on travaille pour 35 heures, et après on va travailler pour combien de temps, pour toucher combien. On touche déjà des clopinettes à la sauce caillou, c'est pour ça que chaque Français est dans la précarité. Je ne vais pas parler des banquiers, parce que les banquiers ne sont pas autant dans la précarité qu'on le croit, parce qu'ils sont tellement bien fournis par nos chers patrons, qu'à ce temps-ci, pour moi, au niveau des banques, on ne pourra pas les clôturer quand on veut. C'est juste pour que la parole puisse tourner, faut que chacun soit relativement court. Et enfin, moi, je voulais un petit peu rebondir sur ce que tu as dit et pour te poser une autre question qui était parce que tu parlais des jeunes qui arrivent en fait dans les banques et qui s'attendent pas à ce qu'ils découvrent. Alors, moi, ça me questionne en fait. Je me dis, est-ce que dans la formation, justement, déjà avant, ils sont pas déjà préparés à ce monde-là? Et donc, du coup, finalement, est-ce que les personnes qui deviennent banquiers ou banquières, ils y vont en pensant faire quelque chose pour la société, ou ils y vont déjà dans cette optique-là d'être un petit peu comme une industrie et d'aller faire le plus de fric? C'est un peu ma... Il n'y a pas blanc ou noir. Alors juste avant de te répondre, pour répondre à Seb sur ce qu'il disait, là où je te rejoins, c'est que chez nous, on a ce problème, c'est-à-dire que les gens savent, par exemple, qu'ils risquent de perdre leur emploi, ils le savent, mais ils sont dans l'immobilisme. C'est-à-dire qu'ils le savent, mais ils ne bougent pas. Et c'est le jour où ça va leur tomber dessus qu'ils vont commencer à bouger. Mais à ce moment-là, généralement, c'est déjà trop tard. Et pourquoi? Parce qu'ils ont peur. Et je pense comme beaucoup de Français, tout simplement. Et c'est ce que je disais quand je parlais de management par la peur, bah c'est ça. Et nous notre taf aussi sur le terrain, c'est de prendre tous les discours et les démonter. Et leur dire que bah non, c'est pas ça en fait la vérité. Parce que c'est leur point de vue et nous on a notre point de vue. Et juste pour te dire qu'effectivement, les banquiers, ceux qui sont en dessus, je me plains pas pour eux. Ceux qui sont en dessous, je peux t'assurer qu'on roule pas sur l'or non plus. Voilà, juste pour préciser. Pour répondre à ta question, en fait, je pense que les jeunes qui rentrent dans ce milieu-là, on leur a vendu du rêve, entre guillemets, et qu'ils tombent vite de leur piédestal. C'est-à-dire qu'en fait, ils se rendent compte, bah, sur le terrain, en fait, des réalités. C'est-à-dire que souvent, bah, on les met à l'accueil, on leur demande de faire des chiffres, alors qu'ils n'ont pas forcément la connaissance des produits. Et en gros, c'est si tu fais pas tes chiffres, bah, tu fais pas l'affaire. Casse-toi, en gros, c'est voilà. Et on ne te reconduit pas. Alors les chiffres, c'est, je sais pas, c'est par exemple faire tant de cartes, tant de livrets, tant de choses. Ah, c'est par mois, ça doit faire une trentaine de produits bancaires, on va dire ça comme ça. Tout confondu. Donc je pense qu'il y en a certains qui... en fait, on voit tout, pour te répondre. On voit des gens qui sont là pour, rayer le parquet. C'est des carriéristes qui en ont rien à faire de l'humain qui est en face. Et t'en as d'autres, en fait, qui... Moi, j'ai eu des témoignages assez puissants, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui te disent, mais en fait, ce que je fais là... en fait, c'est comme si c'était ma mère qui était en face et je le ferais pas à ma mère ou à ma propre famille. Et pourtant, on me demande de le faire. Et quand on... C'est un gros débat qu'on a eu sur les jeunes, je te cache pas. Et finalement, on se rend compte que les jeunes sont pas si cons que ça, qu'ils ont leurs idées, qu'ils ont leurs pensées. Limite, qu'ils ont plus de culture parce qu'ils ont eu accès à plus de choses avec Internet, etc. Donc c'est assez compliqué et chez nous, les jeunes ne restent pas, en fait. C'est qu'au bout de 2-3 ans, ils se rendent compte vraiment de ce qui se passe sur le terrain et ils sont dégoûtés. Ils sont dégoûtés par rapport à leurs conditions de travail, par rapport à ce qu'on leur demande de faire et par rapport aussi à des choses qu'on leur a promis et qu'ils voient pas arriver. Donc c'est fini la banque où t'étais en costume et ta grand-mère, t'étais le pape en gros. Ça c'est fini. C'est fini depuis très très longtemps. Et maintenant c'est compliqué. C'est compliqué, c'est limite... C'est un peu comme être prof. Si tu as des convictions et que tu y crois, tu t'en sors à peu près. Sinon, beaucoup de gens partent. Et ils jouent sur ça aussi, et c'est l'une des grosses difficultés, c'est que de restructuration en restructuration, en fait, les gens partent. Il n'y a plus de plan de carrière. Il n'y a plus rien. Enfin, aujourd'hui, être RH dans une banque, ça c'est notoriété publique, ça sert à rien. Parce que dans les 2-3 ans, il y aura un nouveau plan stratégique et il y a des postes qui vont se créer, qui vont se défaire. Donc c'est tout le temps en mouvement, mais c'est fait exprès aussi. Parce que bah ça permet justement d'évacuer ceux qui ne sont pas assez forts, malheureusement. Alors, il y a eu plusieurs choses, mais déjà, je confirme ce que tu viens de dire, parce que j'ai une connaissance tout simplement qui travaille à la banque, qui est assez jeune et qui va s'en aller, parce qu'il m'a dit clairement qu'il est complètement dégoûté, complètement dégoûté de ce qu'il a vu. Donc, il va complètement changer de secteur. Je pense beaucoup à ce que tu dis sur la vente. Ça me rappelle en fait tout simplement quand je travaillais. Alors, il y a beaucoup de noms pour le poste employé de libre service, équipier de vente. Pour mettre en rayon, donc à une grande surface que je citerai pas, mais celle que vous connaissez tous. Et du coup, ça me rappelle ce que tu m'as dit, c'est que dès le matin, pareil, il y avait un briefing où on nous disait aujourd'hui c'est tel produit qu'il faut vendre, tel produit qu'il faut vendre, tel produit qu'il faut vendre. C'est uniquement pour le chiffre, uniquement au but du profit, évidemment pas dans le but de rendre service au client. On avait une petite formation en parallèle, et dans la formation, on ne parlait jamais de ça, bizarrement. Dans la formation, on nous apprenait comment accueillir le client, des choses qu'on ne peut jamais faire en vrai. On nous apprenait des choses, mais c'était du théorique. En vrai, on courait, on transpirait et on devait vendre absolument ce qu'on devait vendre. Et moi, je trouve ça assez grave, en fait. Je me dis que j'étais dans une grande surface. Qu'on essaye de vendre, plus rien ne m'étonne. Mais dans une banque, on arrive dans une banque et on se retrouve face à la même situation. C'est-à-dire quelqu'un qui va essayer de nous vendre ce qu'on lui a dit le matin et absolument pas dans ton intérêt. Ça me fait vraiment peur de retrouver ce parallèle-là. Je sais qu'il est présent dans beaucoup, beaucoup de métiers, j'avais pas trop de questions, parce que ma question, c'est exactement pareil. En fait, je m'inquiétais aussi sur la formation, du coup, parce que moi, je te dis qu'on me formait pas à ça. Mais en fait, moi, je m'inquiète beaucoup, parce que du coup, je me mets à la place, je me mets à la place de seconde des puissants, et je me dis, faudrait peut-être penser à les former, à vendre, et comme ça, ils vont rester. Ils vont être d'accord, je sais même pas, peut-être que je dis ça, mais comme tu dis, c'est pareil, voilà ce que tu as dit aussi, c'est pour ça que je dis, il y a beaucoup de choses, pardon, sur la digitalisation du monde du travail. C'est pareil, ça c'est présent partout, on en parle beaucoup en ce moment, d'ici les 20 ans à venir, on va perdre énormément, énormément d'emplois, et même des emplois qu'on ne s'attendait pas, comme par exemple des conseillers en banque. C'est un problème très très très général. Malheureusement, je sais pas si on va pouvoir lutter contre ça. Je pense vraiment qu'il va falloir trouver des alternatives, comme tu disais, je pense que voilà. Donc j'ai pas vraiment de questions, par contre, mais. Juste répondre à ton interrogation, effectivement, en fait, dans une banque comme dans beaucoup d'entreprises, en fait, on utilise ce qu'on s'appelle un benchmark. Et le benchmark, tu le retrouves effectivement dans la grande distribution. Le benchmark, c'est le grand Manitou de tous les secteurs commerciaux. Et on a gagné un procès en France avec notre syndicat. C'était une grande première. Et c'était à Lyon. Et en fait, le juge a dit effectivement que le benchmark était nocif sur la santé des collègues et des travailleurs. On était rentré dans un système en fait où effectivement tu as des objectifs qui sont annuels. Mais le problème, c'est que ton petit copain d'à côté, comme il faisait 110, 120, toi, il fallait que tu fasses plus, plus, plus. Et en fait, on arrivait dans une dégradation et une échelle assez impressionnante et des dérives avec de la mise en compétence, en comparaison entre agences, entre collègues. Et ça, on a réussi il y a quelques années à faire en sorte que ça soit annulé sur la région de Lyon. Malheureusement, à Paris, quand on a voulu faire la même chose, ils sont malins au-dessus. Et ils l'avaient déjà déguisé, ils l'avaient déjà enlevé. À Lyon, pour te dire, alors ils ont fait un truc qui est complètement con, on a 450 points de vente. Donc maintenant, en fait, sur les tableaux, on ne voit plus que les 250e premiers. Donc en dessous, on ne sait pas. Donc ça aussi, c'est super. Donc tu fais du taf, tu galères, mais tu n'es plus là. Donc psychologiquement, c'est assez hallucinant. Et ça... Voilà, ça vient de, il y a très très très loin, Conforama le fait, et je te confirme, pour citer Conforama, mais d'autres, c'est exactement le même modèle. C'est pareil. Et ça, c'est, voilà, je te dis, on a lutté. C'est très compliqué, parce qu'au-dessus, ils évoluent là-dessus. Il Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qui a été dit ou tout simplement de façon plus générale aussi sur le militantisme dans une banque ? Non ? Moi du coup j'avais une question mais c'était plutôt au début de ton intervention, je sais pas si tu l'as dit ou peut-être que j'ai pas entendu, quand t'as dit que pendant un moment vous aviez fait grève et que vous aviez obtenu ce que vous vouliez, c'était quoi exactement que vous avez obtenu en fait ? Alors à l'époque en fait ce qui s'est passé, il y avait deux motifs de grève. On a dans l'entreprise pour laquelle je travaille une partie de salaire variable. On n'a pas de commission chez nous, c'est-à-dire qu'on n'est pas touché sur le produit qu'on vend et qu'on propose aux clients, mais on a une partie variable qui est fixée à l'avance. Cette partie variable, en fait, a été imposée par la direction il y a quelques années, et c'est une enveloppe, mais c'est une enveloppe fictive. Donc moi, c'est ce que j'appelle la carotte. Donc en fait, c'est pour te faire avancer, t'as une carotte. Et cette carotte-là, la direction a décidé de diviser l'enveloppe par 3. Donc en gros, la fin de l'année était finie. On a dit aux commerciaux, aux collègues, bah voilà, t'as fait ton taf, c'est très bien, mais on divise ta prime par 3. Et un commercial, quand on lui divise sa prime par 3 et quelque part son revenu, son gain, il aime pas ça. Et ça a été le premier motif de grève. Le deuxième motif, c'est qu'il y avait un plan social au niveau de l'entreprise, au niveau de notre... là, j'ai beaucoup parlé agence, terrain, réseau, mais on a un siège aussi avec des collègues. Qui malheureusement devient de plus en plus un siège de cadre, mais ça c'est un autre problème aussi. Et ça aussi c'est un problème de notre militantisme, c'est-à-dire que ça va être très très difficile de récupérer des cadres parce que ceux qu'on a c'est des anciens et ils vont partir. Et donc il y avait un plan social et en fait les gens ne savaient pas ce qu'ils allaient devenir. On demandait à des gens qui étaient donc des administratifs purs d'aller dans des agences, d'aller faire du commercial. Et ça, c'est pas possible parce que ça s'improvise pas. Et si tu fais de l'administratif à la base, c'est forcément t'es pas commercial. Et c'est pas ta formation, c'est pas ton, enfin entre guillemets, c'est pas ton éducation, etc., etc. Donc c'était les deux, on va dire les deux motifs de pour lancer la grève. Et après, comme je le disais, en fait, ça a dépassé ces motifs-là et on arrivait vraiment sur des conditions de travail et sur toutes les problématiques que les collègues pouvaient rencontrer sur le terrain. Et quand j'ai dit qu'on a eu gain de cause, c'est-à-dire que on a réussi à avoir cette enveloppe qui était divisée par 3 à ce qu'elle soit remontée, on a réussi à avoir une prime, on a réussi à avoir un échelonnage aussi de nos salaires, puisque forcément un mois de grève, ça fait un trou dans le salaire, et on a réussi à obtenir pour les collègues qu'ils aient au minimum 3 propositions de reclassement. Ça, il a fallu plus d'un mois pour obtenir ça. On l'a eu à l'usure en fait. Il n'y a pas eu d'autres choix. Et on a eu aussi des salaires, enfin des services comme le service paye qui était en grève pendant très très longtemps. Et ça les a fait flipper. Parce que quand tu as un service paye qui est en grève, ça veut dire pas de salaire. Bon, alors ils ont repris le travail pendant 24 heures pour que les salariés soient payés. Et aussi les fermetures d'agences, même si c'était un minimum. Mais fermer une agence bancaire aujourd'hui, très honnêtement, c'est un truc de fou. Et voilà, donc c'est vrai que là, une chose aussi que j'ai pas dit, que je voulais dire, c'est que j'ai entendu beaucoup, on est fatigué au bout de 3 mois à nuit debout. Moi, ça fait 7 ans que je milite dans une banque, donc je peux vous dire que la fatigue, je la connais. Et voilà, j'ai plus trop de cheveux sur la tête, c'est peut-être à cause de ça. Donc si on a tenu 7 ans, et encore, moi j'ai fait 7 ans, mais d'autres beaucoup plus, je pense que nuit debout, il pourra tenir encore beaucoup plus longtemps. Voilà, un message d'espoir. Et je pense que bonjour d'abord. Lorsque vous parlez de la continuité de Nuit Debout, c'est que j'ai l'impression que il n'y a pas grand monde qui a compris l'énergie de Nuit Debout. Et donc c'est personne qui peut décider quand ça s'arrête, quand ça finit. Donc il n'y a pas de question de fin ou de début. C'est quelque chose qui est ingérable puisque ça appartient à tout le monde et n'importe qui peut continuer ou voilà. Donc on peut pas. Il y a plein de gens depuis 2 mois qui parlent de fin, de fin, de fin, et alors non, ça devient incompréhensible pour tout le monde. Est-ce Tu parlais de la résistance donc aux évolutions, aux réformes qui sont faites dans les banques. Ce qui m'interpelle, c'est le développement des services informatiques actuellement, où j'ai plutôt l'impression qu'on remplace le personnel des banques par le client lui-même, qui s'occupe lui-même du travail qu'il a à faire. Est-ce que je me trompe ? Tu te trompes pas, je l'ai dit tout à l'heure, mais tu n'étais pas encore arrivé. Mais c'est pas grave, je vais le redire. Effectivement, c'est l'un de nos combats, c'est la digitalisation du monde du travail. C'est que les métiers, les tablettes, on va y arriver. La signature électronique, on y arrive aussi. Je vais aller même un peu plus loin que ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a plein de tests qui sont faits en France sur des types d'agences. Et ils sont en train de tester une agence avec une personne à l'intérieur. Donc une personne avec un boîtier, la première fois pour la petite histoire et pour mettre un peu d'humour, quand elle est allée aux toilettes, elle est sortie, il y avait les flics, les pompiers partout, parce qu'en fait elle avait posé son boîtier pour aller aux toilettes et ça avait allumé toutes les alarmes. Mais donc elle s'est retrouvée un peu conne, et quand elle est sortie elle a dit aux flics ou aux pompiers, je suis juste allé faire pipi, je suis désolé. Mais c'est un gros problème. C'est un gros problème. La banque en ligne, même si elle est, entre guillemets, pour l'instant marginal, c'est aussi c'est bien pour certains, mais ça aussi ça détruit de l'emploi. Et oui, gros souci. Mais en même temps, ce que j'appellerais les banquiers, donc les, parce que chez nous il n'y a pas de patron, hein, c'est des dirigeants, c'est des marionnettes, les patrons ça n'existe pas chez nous. C'est des gens qui sont là pour passer, pour faire carrière, et de 3 ans il y en a un autre qui revient pire ou moins pire, peu importe. Et en fait, ils se servent de ça pour justement faire encore plus de bénéfices. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ils font des plans sociaux. Donc, ils enlèvent des gens, ils enlèvent de l'humain. Mais au bout d'un moment, ils peuvent pas trop non plus en enlever, parce qu'il faut bien quand même des gens derrière les bureaux et derrière les accueils. Donc, ils trouvent toujours des solutions pour économiser sur le personnel. Alors, ils économisent pas sur leur salaire. Hein. Ça, on aimerait. Mais ça, c'est comme partout. C'est comme Carlos Ghosn chez Renault, etc. C'est la même chose partout. Et c'est ça qui est assez hallucinant. Donc, c'est la prochaine étape. Elle a déjà lieu en ce moment. Hein. Si tu vas dans certaines agences, il y a des tablettes à l'accueil, par exemple. Ça va s'accélérer. Et pour finir mon intervention, j'étais sidéré. Il y a un an, la Société Générale proposait carrément des cours à leurs clients pour s'adapter aux tablettes, à Internet, etc. C'est-à-dire qu'on impose les modèles et on va même certains établissements à te former là-dessus. Mais le truc, c'est que normalement, ça devrait être dans l'autre sens. Tu vois, c'est un peu comme avec le code du travail. Normalement, c'est à l'entreprise à s'adapter aux salariés et pas le contraire. Et aujourd'hui, c'est ça qu'ils nous disent. Il faut s'adapter. Alors, après, le débat, c'est pour certaines personnes, c'est bien. Pour d'autres, c'est moins bien. Moi, je travaille à Arnouville, dans le 95, par exemple. Une tablette à l'accueil, c'est compliqué. C'est très compliqué parce que je travaille avec une population qui parle très, très mal le français, qui ne le lit pas, certains. Et là, la tablette, je pense que ça va être assez rock'n'roll. Mais bon, on verra. Arnouville, c'est dans le 95, c'est à côté de Villiers-le-Bel, Sarcelles. C'est dans le nord du 95. Voilà. Moi, du coup, j'avais une dernière question parce que ça me fait penser aussi à ce qui se passe pas mal en médecine. Enfin, voilà, où il y a un retrait d'une certaine façon de la capacité de prendre en compte les symptômes et où on va aussi beaucoup vers une technicité très spécifique. Bon, j'ai du mal à parler. Mais ma question, du coup, c'était, est-ce que, aussi, de la même façon qu'en médecine, tu retrouves dans les banques des patients qui viennent en t'utilisant simplement comme support, c'est-à-dire parce qu'ils ont déjà vu sur Internet ce qui leur convenait, et simplement, ils viennent te voir pour que tu le mettes en place. Et où, du coup, finalement, c'est un peu l'inverse, presque, que ce que tu disais. Mais ce serait dans le sens où, finalement, tu débats avec les clients qui ont une certaine expertise de ce que c'est que ce que c'est que les offres de la banque, et où du coup, j'ai envie de dire, je vais le dire comme ça, c'est pas très... Mais en tout cas, la relation par rapport au savoir et à l'autorité, du coup, se déplace. Où finalement, tu t'es plus parole de savoir, en tout cas, et de connaissance, ce qui peut être positif et négatif d'ailleurs. tu viens d'ouvrir une porte qui est énorme. Je pense que tu sais même pas tellement elle est énorme. Aujourd'hui, et ça fait depuis quelques temps, les gens savent ce qui se passe dans les banques parce qu'ils ont vu les reportages, parce que tu as des articles, etc. En fonction des agences, tu as des clients qui savent, qui connaissent les produits financiers, etc. Je vais prendre l'exemple de, par exemple, de la rue du Louvre, voilà, à Paris. Ce que tu n'as pas dans l'agence où je travaille à Arnouville, où les gens, bah, ils n'ont pas cette culture financière, bancaire, etc. Limite, c'est à toi, justement, de les aider. Donc ça, c'était un phénomène qu'on connaissait déjà un petit peu avant. Là, la grosse question, c'est qu'actuellement, pourquoi tu vas aller vers une agence physique, c'est-à-dire une agence de proximité? C'est quoi ta plus-value? Parce que tu peux aller sur Internet, tu peux avoir des choses qui sont gratuites, des cartes qui sont gratuites, un compte quasiment gratuit. Non, ça c'est faux parce que tu payes des frais quand même. Mais aujourd'hui, c'est quoi, nous, notre plus-value en tant que conseiller? Et c'est là, et ça rejoint un peu ce que tu m'as dit, où ça devient compliqué. Parce que effectivement, quand tu as des gens, il y en a quelques-uns, mais c'est très rare. Parce que quand les gens viennent te voir, je vais te donner un exemple. Ils ont fait un test dans une agence avec avec des bornes et des tablettes. Ils sont aperçus que le test n'était pas concluant parce que c'est soit la personne le fait directement chez elle, avec sa tablette à son domicile, soit elle vient te voir et en fait elle attend de toi une réflexion, elle attend de l'écoute, elle attend du conseil. Et donc c'est très rare ce que tu me dis, en gros, mais ça va arriver. Aujourd'hui tu peux faire une simulation. Tu vas voir ton conseiller, bah voilà, j'ai fait la simulation, je veux ça. Et là, je peux te dire que moi j'ai les boules. Parce que c'est quoi ma plus-value? Et on en revient au, on va devenir, entre guillemets, des secrétaires, etc. Et on perd de ce qui fait, entre guillemets, le plus intéressant de notre travail. Parce que le plus intéressant, enfin, en tout cas pour moi, et ce qui m'a fait venir à la base, c'est les gens. C'est d'aider les gens. Et le contact, c'est les histoires, c'est tout l'enrichissement, voilà, qu'on peut avoir à nuit debout en discutant entre nous, etc., etc. Ben, c'est la même chose, mais dans un cadre, entre guillemets, plus professionnel. Et c'est vrai que ça, je pense que ça va, voilà, ça va s'accélérer, mais dans différents, en fonction des régions, c'est complètement différent. Moi, Arnouville, ça, je l'aurais quasiment pas. Ou à Clichy-sous-Bois, ou à Montfermeil, ou à Sevran, des agences où j'ai bossé. Où là, c'est, enfin, tu fais limite le lien social, quoi. Et voilà, j'ai une autre question. Je ne sais pas si j'ai tout à fait répondu à... Ok, merci. Rebonjour à ceux qui viennent d'arriver. Et je voulais dire, si tu poses la question à quelqu'un dans le métro, tu vois quelqu'un dans le métro, bien habillé, tu dis, mais tu fais quoi comme travail? Il va dire, je suis étudiant. Il dit, tu étudies quoi? J'étudie la finance. Il dit, pourquoi tu étudies la finance? Il dit, parce que c'est le secteur le plus porteur en ce moment. Donc, le problème, est-ce que c'est les banques? Est-ce que c'est la finance? Est-ce que c'est l'état d'esprit de l'être humain dans lequel il est? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si tu travailles en finance, tu peux apprendre toutes les techniques que tu veux, tu peux être le meilleur que tu veux, mais c'est un ordinateur qui fait tout. C'est-à-dire que là, tu parlais des clients qui viennent et qui font les simulations. Aujourd'hui, dans les produits financiers, si tu vas acheter des carottes et autres, tu appuies sur un bouton et tu as un ordinateur qui va plus vite que tous les ordinateurs. Et en fait, le combat qui se fait en ce moment, c'est à qui aura la meilleure ligne, le meilleur ordinateur et la meilleure fibre optique et tout ça. Donc, ce métier qui devient un métier où il y a juste à avoir le matériel, c'est normal que dans les banques, vu la situation technique dans laquelle on est aujourd'hui, que le client n'ait plus besoin, en vérité, de son conseiller banquier, puisque ça va comme ça dans tous les secteurs. Donc on avance et on se débarrasse de l'humain. Donc que ce soit dans la banque ou dans la métallurgie, dans tout n'importe où, même en boulangerie, hein, t'as plus besoin de pétrir la pâte ni quoi que ce soit. Il y a des machines qui font tout, le pain il arrive surgelé et tout. Donc on en arrive à une situation où là on est éducation populaire. Est-ce qu'il n'y a pas, plus qu'une éducation, un renouveau spirituel à apporter à l'être humain? Parce que tout va plus vite que l'on veut et il n'y a personne qui pourra arrêter cette marche, étant donné que la jeunesse, ils sont préparés à utiliser ces outils parce qu'on leur dit c'est comme ça que ça va être le futur, c'est comme ça que ça va aller mieux. Donc si, même si toi t'as un bac plus 12, le mec derrière toi il arrive avec un autre niveau et il a plus besoin de toi en vérité. Donc il te remplace. C'est pour ça que les enfants n'écoutent plus vraiment leurs parents parce que tout a changé. Donc le père, il a beau dire c'est comme si, c'est comme ça, lui il dit wesh, non, c'est plus comme ça, tu veux dire. Et donc on s'est tous fait avoir par ça, on l'a fait à nos parents, nos enfants vont le faire et les enfants de nos enfants vont le faire aussi. Donc est-ce que le vrai problème, c'est pas justement sortir du problème matériel, mais revenir du côté spirituel? Et je parle pas de religion. Ce que tu dis est très intéressant, mais je serais moins... pour l'instant, c'est, pour moi, c'est assez flou. C'est-à-dire que je pense que les jeunes, si on parle des jeunes, ont encore envie de voir quelqu'un physiquement. Alors, il ne le verra pas tous les jours. Mais au moins, le minimum pour une ouverture de compte, par exemple, c'est important. Et après, effectivement, il y a un contact, téléphone, mail. Je le disais tout à l'heure, on impose et les banques imposent leur modèle. Après, on les impose, mais c'est aux gens de les, entre guillemets, de les choisir ou pas. Donc effectivement, oui, il y a aussi une part de l'individu, une part d'humain. Aujourd'hui, très honnêtement, je ne sais pas, je ne peux pas te dire combien il y a de pourcentage de la population qui veut toujours voir quelqu'un physiquement. Alors moi, je pense à mes petites mamies que je vois à l'accueil. Bah ouais, elles vont venir, ça on le sait. Les gens vont venir pour leurs frais immobiliers, toujours. Et c'est là où, entre guillemets, ils ont une longueur d'avance, c'est parce que dans certains endroits, ils font des espèces de pôles. C'est-à-dire, j'ai un exemple à Marseille, ce qu'ils voulaient faire, c'est fermer toutes les agences des quartiers, laisser des distributeurs, et faire une grosse banque au milieu avec pôle succession, pôle immobilier, etc. etc. Donc je crois qu'ils vont pas le faire. C'était plutôt un espèce de feu de paille pour nous faire avaler une autre connerie, comme ils font souvent. Mais c'est ce que tu dis là, c'est partout pareil. C'est comme quand tu vas au supermarché, t'as le choix, aller à la caisse automatique ou pas aller à la caisse automatique. Moi je vais jamais à la caisse automatique. Bon, la caissière a fait un peu la gueule parce qu'il y a une queue de ouf, mais voilà, je le fais pour un peu pour son emploi quoi. Et maintenant les banques, ouais, ça va devenir pareil. Mais par contre, là où je suis moins catégorique, c'est que pour l'instant, je pense qu'on est vraiment entre deux, parce qu'on a encore une génération, une grosse partie de la population qui n'a pas grandi avec Internet, qui est toujours, entre guillemets, un peu à l'ancienne, même s'ils s'y mettent. Mais d'ici quelques années, quand ces personnes-là vont partir, là, je pense qu'on va... Enfin, ce débat, il n'aura même plus lieu d'être. On aura ces putains de machines. Alors, il y aura peut-être des alternatives, mais qui sont toutes petites, etc. Mais pour l'instant, il y a suffisamment de gens encore qui n'ont pas grandi avec cette génération Internet. Juste, monsieur derrière, je courais pour les feuilles, en fait. Donc, ce que tu disais sur le fait que les banques laissent le choix. Alors, dans ma banque, c'est récent. Ils ont faussé le choix, c'est-à-dire que tu peux le faire toi, tu peux faire ton virement ou ta demande de prêt directement par Internet, ce sera gratuit. Si je vais à mon agence, ce que je persiste à faire parce que je veux avoir quelqu'un en face de moi, je paye des frais. Donc ils faussent les choses. Et je pense qu'ils sont passés au-delà du choix et qu'ils veulent imposer un nouveau système. Et d'ailleurs, je travaille dans une administration, moi. On subit exactement le même mécanisme de réforme en passant tout en dématérialisé, ce qui permet de supprimer du personnel. Et maintenant, c'est le client qui fait lui-même ses opérations, qui était ton boulot auparavant. Non, c'était juste pour faire un aparté. Moi, je trouve ça très bien que les caissières soient remplacées par des machines. Ouais, écoute. D'accord, tu trouves que caissière est. Ouais, ok, c'est un métier ingrat. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? D'accord. Pour te répondre, effectivement, c'est un exemple que je donne beaucoup. Ces derniers temps, au niveau des banques, il y a eu pas mal de changements, de réglementations, soi-disant. En gros, le gouvernement a fait croire à tout le monde que les gens allaient payer moins de frais. Ce qui est faux. Parce qu'effectivement, les frais sont plafonnés. Mais on a créé des nouveaux frais. C'est ce que j'explique, ce que je me tue à expliquer à beaucoup de gens. Parce que forcément, quand je suis dans des soirées et que je dis que je travaille dans une banque, il y a beaucoup de questions. Et on me posait énormément de questions. Pendant un moment, je le disais plus parce que ça me saoulait un peu. Et puis, je me suis aperçu que finalement, ça pouvait aider les gens. Donc je le fais, et c'est aussi pour ça que je m'exprime aujourd'hui. Oui, il y a des détournements de frais. Après, nous, on a la possibilité, là j'ai reçu, pas plus tard qu'hier, mon relevé de compte en me disant que le relevé de compte papier, à partir du mois d'octobre, je l'aurai plus. Donc certes, il faut remplir un coupon à la con et renvoyer en disant bah, je veux continuer à recevoir mon papier, mon relevé papier, ce que je vais faire. Donc c'est vrai que, alors voilà, on est dans une banque, il faut pas le rappeler. Donc le choix dans une banque, c'est pas le monde de Winnie, quoi. C'est pas, on n'est pas chez Disney. T'as le pire et le moins pire. Bah c'est un peu comme quand tu votes en France, bah tu fais le moins pire. Et après le débat, il est au-delà. Effectivement, le débat, il est au-delà. Et en fait, le problème, il n'est pas là. En fait, les gains de productivité, on en a eu des... ça a multiplié par 10 ces dernières années. Et ce qu'on voit, ce qui se passe, en fait, c'est que on a des gains de productivité énormes. Et on va en continuer à en avoir, puisque les machines vont continuer à remplacer les êtres humains. Ce qui est une bonne chose. Le problème, c'est qu'après, on met plein de gens sur la paille, quoi. Alors qu'en fait, l'idéal, le problème, c'est que c'est les gens qui choisissent, qui font les choix, en fait. Ceux qui font les choix, c'est pas le peuple, c'est une petite minorité, qui détient les banques et les capitaux, la finance, etc. Et qui nous envoie dans le mur, d'ailleurs, hein, avec le capitalisme et puis, la pollution, etc. Là, on voit que la planète est en train de... La nature est en train de disparaître, les espèces animales, etc. En fait, voilà, le problème, il est dans le choix de société. En fait, on a plein de gains de productivité, on va continuer à avoir. L'idéal, ce serait qu'on réduise le temps de travail. Des gens, plutôt qu'on mette plein de gens sur la paille, parce que là, il y a plein de gens qui sont mis de côté. Il y a des tonnes de pauvres, on voit, il suffit de regarder les rues de Paris, hein, on a de plus en plus de gens dans la rue, c'est impressionnant, quoi. Moi, je suis encore passé à Stalingrad hier ou avant-hier soir. C'est impressionnant, là, le nombre de toiles de tente qu'il y a, là. Je sais pas, il y a un camp qui vient d'arriver, là. C'est impressionnant, quoi. Il est là, le problème, quoi. Le problème, il est qu'on met plein de gens sur la paille, alors que tout le monde devrait en profiter, quoi. On devrait réduire le temps de travail. Et justement, dans le temps qui nous est... où on travaillerait pas, on devrait pouvoir s'intéresser à la politique, par exemple, quoi. Voilà, devenir des citoyens qu'on ait plus de démocratie, que le pouvoir tourne, etc. Enfin bon, voilà. Le problème, il est dans les choix de société, quoi. Effectivement, on a des gains de productivité, on a plein de gens qui se retrouvent à la paille, alors que ça devrait être le contraire, quoi. Alors qu'on devrait avoir on devrait beaucoup moins travailler et profiter de notre temps de travail pour s'occuper de sa famille, etc. Mais aussi s'occuper de la politique. Voilà, on aurait du temps et on pourrait se cultiver, venir à l'éducation populaire, etc., etc. Voilà. Moi, Sylvain, je viens. Moi, je souhaiterais revenir sur le point du relevé papier, relevé bancaire au niveau papier. Tu parlais que ça va arriver dans certaines banques. Moi, je veux te dire que c'est déjà engagé déjà par certaines banques, déjà une, dont la première qui est engagée, c'est notre cher La Poste, où tout simplement les banques, attention, en plus, tout simplement se découvre par mail ou par site internet. Alors il se passe aussi que moi j'ai eu une situation par rapport à des banques, Crédit Agricole, Société Générale, l'Écureuil ou n'importe qui, et j'ai remarqué que depuis que La Poste allait passer en tant que banque postale, ils se permettent de faire des choses qui est illégales. Et ça, je vais revenir sur le copain à côté qui est quand même très informé au niveau de Stalingrad. Et tout simplement, il faut savoir que c'est une banque normalement qui est prioritaire pour les personnes qui n'ont pas de compte bancaire ou qui sont interdits bancaires. Sauf qu'à cette heure-ci, vous êtes interdit bancaire, oui, c'est acceptable. Mais le problème, c'est que si vous arrivez sur un découvert et que votre découvert, normalement, est respecté et que vous attendez peut-être quelques semaines pour pouvoir remplir votre découvert, bah, tout simplement, votre banquier décide de lui-même de vous envoyer le jour même tout simplement un mail. Si vous n'avez pas Internet, envoyer le mail et vous ne pouvez pas le savoir. Et un jour que tu vas aller à la tirette ou aller chercher de l'argent, on va te sortir comme ça, désolé, vous êtes à découvert de 137 euros et on vous a clôturé le compte. Et ça, je pense que ça va arriver dans pas mal de banques à ce temps-ci. Ça existe déjà à la Poste. Est-ce que après sur les banques privées, ça existe encore, ça va exister? Je pense que oui. Et si les banques réagissent comme ça, ils vont perdre un maximum de personnes pour les mettre en interdit bancaire, pour tout simplement clôturer un compte, parce que suite à que le découpeur n'est pas refoué, ou que tout simplement voilà, il y a des problèmes et que ils sont obligés de clôturer les comptes. Et si ce système de loi réagit par rapport à toutes les autres banques après la Poste, bah ça mettrait beaucoup de personnes vivant en France et de personnes qui ont des comptes dans leur banque, que tout simplement à la fin du compte ils vont devoir se séparer de leur banque comme toutes les grosses banques et aller sur une banque reconnue par internet pour récupérer un nouveau compte. Et là c'est là qu'on va passer au niveau du système de relevé bancaire en ligne, et qu'à la fin du compte on va pouvoir alimenter entre guillemets les serveurs sociaux, les serveurs banquiers qui eux n'aura plus de banque à faire, et que tout simplement à la fin toutes les banques couleront et ça sera un petit peu la merde un petit peu partout. Alors on va prendre les dernières questions avant de te laisser conclure, si t'es d'accord. Ouais, bon aussi remarque question. Je suis un peu effrayé par ce qui vient d'être dit, ça c'est personnel. J'ai entendu que le travail de caissière est un métier, comment on a dit ça ? Ingrat, ok. Donc balayeur c'est ingrat aussi. J'ai entendu que le travail va être remplacé par des machines et c'est superbe, comme ça nous laissera le temps de faire autre chose. Ça fait un peu peur aussi. Et donc, c'est pour ça que je me dis, on a vraiment, vraiment, vraiment un travail de reconstruction du cerveau à faire. Parce que on est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 16, on n'est même pas 10. Et on entend des trucs de ouf. C'est-à-dire, imagine sur la totalité de la population. C'est-à-dire, je prends un exemple. Tout le monde sait que le Pobledina, c'est dangereux pour l'enfant. Tout le monde le sait aujourd'hui. Aux États-Unis, il y a eu des procès, des trucs de ouf. Le petit Pobledina, ça empoisonne ton enfant et ça le prépare à être dans En fait, ça le prépare à accepter plein de maladies. Voilà. Et pourtant, les gens continuent à acheter pour Bledina. Pourquoi ? Parce que c'est plus pratique. Au lieu de faire des petits mangers, de découper en morceaux, ceci, cela, pour faire manger ton enfant, tu vas acheter des préfabriqués sachant que c'est de la bouffe empoisonnée. Mais c'est plus pratique. Donc on en revient avec la caissière. C'est vrai que ça serait mieux de travailler dans une épicerie, hein, de quartier, que dans un truc où il y a 4 millions de personnes dans la journée. Et oui, ça peut devenir ingrat. Mais bon, c'est pas le travail de caissière qui est ingrat, c'est plutôt le concept de distribution de la nourriture qui est un peu débile. Mais comment se fait-il que malgré tout ce qui se passe, malgré tout ce que l'on sait, on continue à continuer sur la même route? Pourquoi? Parce que là, j'ai entendu dire un truc aussi un peu contradictoire. On dit, il y a de plus en plus de gens dans la rue, c'est pas normal. C'est pas normal que tout le monde soit pas dans la rue. Moi, c'est ça que je pense. Si tout le monde était dans la rue, tout leur machin de banquier immobilier, il s'écroule. Donc, c'est ceux qui restent dans leur appartement, qui payent leur loyer à 2000 euros, qui continuent à faire marcher ce système. Pourquoi? En disant, on va se sauver, on est mieux, on est plus propre, on est machin. Ceux qui sont dans la rue, ceux qui disent stop, on en a marre. Ou alors qui ont été écrasés déjà, mais qui disent c'est bon quoi. Ça, on marche plus dans ce délire-là. Donc, le vrai problème, c'est que les gens qui disent on veut plus fonctionner, c'est comme dans la religion. Je veux m'arrêter, Jésus, j'en veux plus. Et ben, il y en a un qui va te dire, à cause de toi, ça va pas aller parce que Dieu n'est pas content, c'est parjure et tout. Donc, on va te rattraper pour te remettre dans la religion, Jésus, Allah ou je sais pas quoi. Et donc là, on est dans un système où, si tu veux sortir du système, tu veux plus avoir de banque, tu veux plus avoir ceci, tu veux plus avoir cela, on va te pourchasser pour que tu reviennes, pour te montrer du doigt et te dire, reste, et nous, on est dedans. Tu vois, nous on accepte, on subit, donc s'il te plaît, reste avec nous. Et donc, est-ce que on n'est pas vraiment dans un l'un contre l'autre, chacun pour soi, dans une espèce de crise de jalousie, où on ne supporte pas les gens qui s'émancipent et les gens qui sortent du système, parce que on a tellement peur du système qu'on dit on peut rien faire, donc faut que l'accepter, et on empêche les gens qui en sortent de sortir. Donc est-ce que c'est pas l'humain qui est contre l'humain en fait? On arrête, parce qu'après on passe à une phrase. Alors, Malandro, je vais te répondre, ainsi que Sylvain, pour savoir que aussi, par rapport à l'État, par rapport au gouvernement, nous, chez nous, en tant que personne à la rue, on est représenté à partir d'une certaine somme par le gouvernement. C'est une somme d'1,50€ dans les poches. Si on n'a pas ces 1,50€ dans les poches, on est reconnu comme vagabond. C'est tout ce que je voulais dire. Ouais. Alors, pour conclure, parce que à la base, le sujet, c'était militer dans une banque, mais c'est très intéressant. On l'a élargi et je m'en doutais. De toute façon, dès qu'on parle de banque, ça dévie forcément. Juste pour vous témoigner d'une initiative qu'on a prise, pour ceux qui n'étaient pas là en début de mon intervention, donc j'ai dit que les collègues dans la banque, ils étaient conscients de ce qu'ils faisaient, mais comme beaucoup de Français, en fait, ils sont dans l'immobilisme, ils attendent, et en fait, on n'est pas resté sur cette conclusion un petit peu conne, c'est-à-dire qu'on s'est posé la question comment les faire réagir. Et en fait, on a bossé avec la compagnie de théâtre, qui est la compagnie Nage, qui a bossé avec les gens de France Télécom à l'époque où il y a eu les tentatives de suicide et les suicides à France Télécom. Et je ne sais pas si vous savez, mais en fait, le comité d'entreprise de France Télécom en fait, a fait une pièce de théâtre qui montrait en fait les conditions de travail des collègues et ce qui les avait poussés à se suicider et à tenter de se suicider. Donc on a travaillé avec cette compagnie de théâtre qui nous a fait des mini-clips vidéo qui durent un peu moins de 10 minutes. On s'est acheté des tablettes, donc on s'est digitalisé. Et ces tablettes nous permettent en fait de montrer aux collègues leurs conditions de travail. Et le but c'est de les faire réfléchir à comment les améliorer et comment arrêter toutes ces conneries. Je vous cache pas que c'est très compliqué. Parce que les collègues nous disent tous ouais c'est vachement bien ce que vous avez fait, on s'y reconnaît, etc. Mais avoir la démarche et la réflexion de trouver une solution à tout ça, c'est un petit peu compliqué. Donc on va mettre en place un questionnaire pour essayer de les aiguiller un petit peu. Donc voilà, donc il se passe des choses. Alors certes, il y a des enjeux des fois qui nous dépassent, mais comme je disais, il y a les banquiers tout en haut et il y a les banquiers tout en bas. Et les banquiers tout en bas, ils essayent à leur manière de lutter. Et en tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de cette tribune qui m'a été offerte. Et voilà, dites à qui veut l'entendre que même dans une banque, il y a des révoltés, il y a des indignés, il y a des nuits de boutistes, il y a des gens qui font grève, il y a des gens qui font plein de choses, il y a même des groupes de rock. Et que je suis persuadé que mes collègues, si on continue comme ça, il y en a peut-être un ou deux qui vont venir et que je vais arrêter d'être le seul banquier debout. Voilà. Merci à tous.